23e chapitre. Le voyage de Jude Lesquerre. Hervé de Vaunois n'était point, on s'en fallait, un homme téméraire. La démarche qu'il tentait et qu'il exposait en réalité à un danger terrible était, pour nous servir de l'expression de la pierre, un coup de partie. C'était une manière de duel à mort, où il jouait sa vie contre celle de Didier. Peut-être, aveuglé par son désir passionné de se défaire du jeune homme, se dissimulait-il une partie du péril. Peut-être comptait-il sur des moyens de réussite dont il avait fait mystère à ses deux aides. Quoi qu'il en soit, sa terreur restait grande, et quiconque l'eût rencontré, tremblant et blême sur son cheval, n'aurait eu garde de le prendre pour un coureur d'aventure. Bien auparavant, l'heure de son départ, l'ancien écuyer de Nicolas Trémel, Jude Lesquerre, avait, comme nous l'avons dit, quitté le château pour se rendre à la demeure de Pélerouan, le charbonnier. Jude était arrivé la veille en Bretagne, inquiet mais plein d'espoir. Au pis-aller, Georges Trémel, le petit-fils de son seigneur, avait été dépouillé peut-être de son héritage, et Jude avait en main ce qu'il fallait pour le lui rendre. Maintenant, l'inquiétude s'était faite angoisse, et l'espoir chancelait. Mieux tu valus mille fois retrouver l'enfant et perdre le coffret dépositaire de la fortune de Trémel. Georges, vivant, jeune, fort, vaillant, aurait eu son épée pour soutenir sa querelle. Georges mort ou absent, il ne restait plus qu'un vain droit. Le coffret, c'est-à-dire l'immense domaine de Trémel, était son maître légitime, et le dévouement de Jude, cet amour soumis, patient, plein d'abnégation, que 20 années d'exil n'avaient pu entamer, était désormais sans but. Il y avait bien encore la vengeance, ce suprême mobile des gens qui n'espèrent plus. Mais Jude était vieux. Sa loyale nature comportait plus d'amour que de haine. La vengeance, qui a tant d'attrait pour certaines âmes, lui apparaissait comme une inutile et triste compensation. « Je chercherai, » se disait-il en retrouvant son chemin dans les sentiers connus de la forêt. « Je chercherai longtemps, toujours, si j'acquiers la preuve de sa mort, et je prie Dieu d'épargner cette douleur à ma vieillesse, j'irai vers son assassin et je le tuerai au nom de Nicolas Trémel. » Il ne pouvait faire un pas dans ces routes tortueuses et sombres, tant de fois parcourues jadis, sans rencontrer un souvenir. C'était par ce sentier que le vieux maître de la Trémelay avait coutume de chevaucher lorsqu'il se rendait avec son petit-fils à son beau manoir du Bouexy. À ce détour, Job, le magnifique et fidèle animal, avait forcé un loup affamé après un combat héroïque. Ce chemin percé dans le fourré, et si étroit qu'un chevreuil semblait y pouvoir passer à peine, menait droit à l'étang de la Trémelay, l'étang de la Trémelay, qui peut-être était le tombeau du dernier Trémel. Le cœur de Jude se fendait, ses yeux secs le brûlaient, sollicités par ses larmes contenues. Autrefois, Jude s'en souvenait, on voyait fumer sous le couvert les toits des sabotiers et des charbonniers. Maintenant, plus rien. Les cabanes étaient là, les unes debout encore, les autres à demi ruinées, mais la plupart semblaient désertes. Au lieu du bruit incessant du ciseau et de la doloire qu'accompagnait l'échange joyeux des ouvriers, le silence, un silence uniforme, universel. Quel fléau avait donc passé sur la forêt de Rennes? Quelle peste avait dépeuplé ces clairières et mis cette apparence de mort en ces lieux jadis si pleins de mouvement et de vie? Jude poursuivait sa route, plus triste et plus morne que ses alentours si mornes et si tristes. Il se signait par habitude aux croix des carrefours auxquels ne pendaient plus les dévotes offrandes des fidèles. Il prononçait des noms connus en passant auprès de certaines des loges abandonnées. Et nulle voix ne lui répondait. Parfois, une forme humaine se montrait à un coude de la route, mais elle disparaissait aussitôt comme un éclair, et Jude, vieux chasseur habitué aux êtres de la forêt, devinait à l'imperceptible agitation des basses branches du taillis que la solitude n'était pas aussi complète en réalité qu'en apparence, et que plus d'un regard était ouvert derrière ces épaisses murailles de verdure. Lorsqu'il approcha de la croix de mi-forêt, qui, comme l'indique son nom, marque à peu près le centre des bois, Le paysage changea et devint plus désolé encore, s'il est possible. En ce lieu, toutes les routes de grande communication qui traversent la forêt se croisent. Les clairières y sont plus abondantes que partout ailleurs, et le voisinage des chemins avait rassemblé dans les environs une multitude d'industries forestières. Tout le long des larges et belles allées qui se coupaient en étoiles au pied de la croix, on voyait jadis une bordure de loges couvertes en chaume, où travaillaient des tonneliers, des vanniers et des sabotiers. Jude trouva ces loges incendiées pour la plupart. Celles qui, çà et là, restaient debout, étaient dévastées et gardaient des traces non équivoques de ravages opérés par la main de l'homme. Jude s'arrêtait devant ces ruines rustiques et rappelait à soi les souvenirs du passé. Au temps où Trémel était seigneur du pays, toutes ces loges étaient habitées et tous leurs habitants étaient heureux. « Les gens de France sont passés par là », se disait le vieil écuyer. « Sous prétexte d'impôts, ils ont demandé la bourse ou la vie, et les hommes de la forêt n'ont pas de bourse. » Jude devinait juste. Ces ruines étaient l'œuvre des agents du fisc, secondés, il faut le dire, par quelques gentilshommes du pays rennais, parmi lesquels Hervé de Vaunois se distinguait au premier rang. Monsieur de Pontchartrain, premier intendant royal, et après lui Monsieur de Béchameil, marquis de Nointel, ayant pris, suivant la coutume, à forfait la levée de l'impôt breton, avait un intérêt évident à ne laisser aucune partie de la province se prévaloir d'une exemption uniquement fondée sur l'usage. Il voulut reforcer les gens de la forêt à solder leur part des tailles et ne reculèrent devant aucune extrémité pour en venir à leur fin. C'était ce que Jude appelait « demander la bourse ou la vie ». Quant aux gentilshommes, leur intérêt était autre, mais également évident. Les hommes de la forêt, disséminés sur les divers domaines qui formaient la majeure partie de cette énorme tenue, prétendaient droit d'usage gratuit et grevaient par le fait ces domaines d'une véritable et lourde servitude. Tant que Nicolas Trémel avait vécu, comme il possédait lui seul autant et plus de biens que tous les autres gentilshommes ensemble, ces derniers s'étaient modelés sur lui. Or, Trémel était un vrai seigneur, doux aux faibles, rude aux forts, et plus disposé à faire l'aumône à ses propres voisins qu'à leur disputer le chétif soutien de leur existence. Lorsqu'il abandonna le pays, Vaunois prit sa place et mit sa lésinerie de gentillâtre dans toutes les affaires que son cousin avait traitées en gentilhomme. Les propriétaires des alentours, autorisés par ce nouvel exemple, firent de même, et ce fut bientôt de toutes parts un système d'attaque et de compression contre les malheureux habitants de la forêt. D'un côté le fisc, de l'autre les propriétaires. Celui-là leur arrachait leurs faibles épargnes, ceux-ci leur enlevaient tout moyen de vivre. Les gens de la forêt, nous croyons l'avoir déjà dit, ressemblaient plus aux sangliers qu'aux lièvres. Néanmoins, dans le premier moment, traqués, poursuivis de toutes parts, ils ne cherchèrent leur salut que dans la fuite et se cachèrent au fond des retraites ignorées qui pullulaient alors dans le pays. Mais leur naturel farouche et belliqueux supportait impatiemment cette tactique pusillanime. Pour combattre, ils n'avaient besoin que de se concerter. Au premier appel, ils se levèrent. Les épais fourrés de la forêt vomirent inopinément cette population sauvage et mal en prit aux agents du fisc aussi bien qu'aux avares propriétaires qui avaient suscité cette tempête. Bien des cadavres jonchèrent la mousse des futaies, bien des ossements blanchirent sous le couvert et, par les nuits noires, plus d'une gentilhommière, attaquée à l'improviste, porta la peine de la cupidité de son maître. On fit venir des soldats de Rennes et de toutes les villes environnantes, mais à mesure que l'attaque s'opiniâtrait, la résistance s'organisait plus puissante. Il devint évident que les insurgés, car leur nombre et leur grief défendaient qu'on les appelât bandits, avaient un chef habile et résolu, dont les ordres, quels qu'ils fussent, étaient suivis avec une aveugle soumission. Le moment vint où la défense, conduite avec un ensemble merveilleux, déborda l'attaque. Les rôles changèrent, les opprimés devinrent agresseurs, et un beau jour, 5 000 paysans en sabots, le visage couvert de masques bizarres, firent irruption jusqu'à Rennes et pillèrent l'hôtel de monsieur le lieutenant de Roy. Dès ce moment, la terreur se mit de la partie. L'insurrection acquit ce prestige qui est à toute entreprise comme un premier gage de succès. On entoura le chef des révoltés d'une mystérieuse auréole et chacun eut à raconter sur son compte quelques miraculeux exploits. Les gens de la forêt devinrent populaires à 20 lieues à la ronde. Ils eurent leur généalogiste et les savants du cru prirent la peine de rattacher leur association par des liens historiques et d'ailleurs incontestables à la fameuse société politique les Frères Bretons qui, au milieu du siècle précédent, avaient failli enlever la Bretagne à la domination française. Dès l'origine du soulèvement, les principaux conjurés s'étaient réunis en société secrète sous les ordres de ce chef qui devait bientôt se rendre si redoutable. En ce temps déjà, les hommes de la forêt étaient les partisans naturels de cette association. Mais rien n'était organisé et les membres affiliés de prime abord avaient tout à craindre. Ce fut sans doute ce danger qui leur inspira la pensée d'entourer leurs actions d'un mystère absolu et de ne jamais quitter leur retraite sans avoir le visage couvert d'un masque. Ce masque était tout simplement un fragment de peau de loup, de là le surnom qu'on leur donna d'abord comme un méprisant sobriquet et qui, peu de mois après, était prononcé avec terreur dans tout le pays de Rennes. Les choses subsistèrent ainsi pendant 15 ans, avec diverses chances de succès et de revers pour les loups, mais sans que jamais les troupes du gouvernement pussent entamer le centre de leurs opérations. Pendant un temps assez long, les gentilshommes du voisinage avaient conclu avec la forêt une sorte de trêve tacite, et l'intendant royal découragé avait, durant le même temps, discontinué ses efforts. Mais Béchamel, 6 mois avant l'époque où commence notre histoire, eut la malencontreuse idée de recommencer les hostilités. L'explosion fut terrible. Presque toutes les loges devinrent désertes le même jour. Charbonniers, tonneliers, vanniers, etc. se rassemblèrent et coururent à la retraite permanente du noyau de l'affiliation. Là, ils trouvèrent, comme toujours, des chefs et des armes. Le lendemain, la révolte était de nouveau aux portes de Rennes. Le surlendemain, l'hôtel de l'intendant royal était au pillage. En conscience, il fallait bien que les gens de la forêt trouvassent leur vie quelque part. On leur défendait de manger paisiblement le fruit de leur labeur. Ils ne travaillèrent plus et ce fut tant pis pour leurs voisins. Les soldats du roi, par représailles, démolirent ou incendièrent les loges qui bordaient les grandes allées. Mais c'était la peine perdue. Les loups savaient où trouver ailleurs un asile. Ils apprenaient en outre à s'indemniser largement des pertes qu'on leur faisait subir. Après l'intendant royal, ce fut Hervé de Vaunoy qui reçut les plus rudes atteintes de leur méchante humeur. Hervé de Vaunoy avait beau faire mystère de sa rancune profonde contre les loups, qui, à diverses reprises, avaient cruellement maltraité ses domaines, il avait beau se cacher pour conseiller la rigueur au pacifique Béchamel, chaque fois que, derrière le rideau, il suggérait quelques mesures préjudiciables aux loups, ceux-ci se vengeaient immédiatement. On eût dit, tant le châtiment suivait de près l'offense, que le chef des loups avait au château de la Tremlay des intelligences ou des espions. Tout récemment, Vaunoy ayant ouvert l'avis que, pour détruire l'insurrection dans sa racine, il fallait attaquer la fosse aux loups et sonder le ravin, son manoir du Bouexie fut, 24 heures après, dévasté de fond en comble. En somme, les loups n'avaient point d'ennemis plus mortels qu'Hervé de Vaunoy, et ils lui rendaient depuis longtemps haine pour haine. Jude savait une partie de ces choses, et devait sous peu apprendre le reste. Dans cette querelle, son choix ne pouvait être douteux. Le souvenir de son maître et ses vieilles sympathies le portaient vers les loups qui étaient des Bretons, comme disait Dame Goton avec emphase. Mais Jude n'avait ni la volonté ni le loisir de prêter l'appui de son bras aux gens de la forêt. Sa mission était définie. Les dernières paroles de Trémel mourant retentissaient encore à son oreille et il eût regardé comme un crime de s'arrêter sur la voie tracée par le suprême commandement de son maître ou même de s'écarter un instant du droit chemin. Il était 8 heures du matin à peu près lorsque Jude arriva en vue de la croix de Miforêt. Ce lieu était en grande vénération dans tout le pays, et les bonnes gens des alentours avaient surtout une dévotion, en quelque sorte patriotique, pour une petite madone dont la niche était pratiquée dans le bois même de la croix. C'était à cette Vierge, connue comme la croix sous le nom de Notre-Dame de Miforêt, que Nicolas Trémel avait dit son dernier ave en quittant la terre de Bretagne, qu'il ne devait plus revoir. Jude mit pied à terre devant le monument rustique, s'agenouilla et pria. Quelques minutes après, il apercevait à travers l'épais branchage d'un bouquet de hêtres la fumée du toit de Pélorouan, le charbonnier. La loge de Pélo se cachait au centre du bouquet et s'élevait, adossée à un petit mamelon couvert de bruyère, où il avait pratiqué ses fours à charbon. L'aspect de ce lieu était agreste, mais riant, et un petit jardin, tout empli de fleurs comme une corbeille, donnait à la cabane un air de calme et de bien-être. Ce jardin était le domaine de Marie, c'était elle qui plantait et arrosait ses fleurs. Au moment où Jude dépassait les derniers arbres, Marie, assise sur le pas de sa porte, tressait avec distraction un panier de chèvrefeuilles. Son esprit n'était pour rien dans son travail, mais ses petits doigts, blancs et roses et effilés, pliaient si dextrement les branches flexibles et parfumées que le travail ne se ressentait point de sa distraction. En tressant, elle chantait. Mais ce n'était pas non plus son chant qui captivait sa pensée. Sa voix pure et fraîche s'échappait par capricieuses bouffées. La mélodie s'interrompait brusquement, puis reprenait tout à coup, tantôt mélancolique et lente, tantôt vive et joyeuse, toujours charmante. Ceux qui occupaient Fleur Déjeuner, tandis qu'elle travaillait ainsi, seule, sur le pas de sa porte, c'était Didier, le beau capitaine. Elle songeait à son bonheur de la veille. Elle l'avait revu, plus beau qu'autrefois, plus tendre que jamais, si tendre et si beau que les rêves de l'attente et de l'absence étaient dépassés. Elle était heureuse et savourait avidement sa joie. Elle n'en voulait rien perdre et chassait soigneusement toute pensée de doute et de crainte. Pourquoi douter? Pourquoi craindre? N'était-il pas aussi fier et noble de cœur que de mine? Avait-il jamais menti? Et il avait dit « Je t'aime ». Il l'avait dit avec sa bouche, avec ses yeux, avec son âme. Aussi, le chant de Marie était une sorte de prière, hymne d'action de grâce qui s'exhalait de son cœur pour monter suave et doux vers le ciel. Elle avait mis ce matin une sorte de coquetterie dans sa parure. Les corolles d'azur de quelques bleuets d'automne se montraient çà et là parmi leurs pâles et ruisselants de sa chevelure. Elle avait serré, à l'aide de rubans de soie, le corsage éclatant des filles de la forêt, et ses petits sabots, comparables aux mules de cristal des contes de fées, rendaient plus remarquable la mignonne délicatesse de son pied. Mais sa parure n'était pas tant dans ses ornements champêtres que dans l'allégresse angélique qui rayonnait à son front. Les regards de ses grands yeux bleus, reconnaissants et dévots, allaient vers Dieu avec son chant. Elle était belle ainsi, et digne du gracieux nom qu'avait trouvé pour elle la poésie des chaumières, car elle avait de la fleur l'éclat, la fraîcheur et les parfums. Jude l'aperçut, et un sourire paternel vint à sa lèvre de vieux soldat. Lorsque Marie le vit à son tour, elle rougit, effrayée, et voulut s'enfuir, mais le loyal visage de Jude la rassura. Elle se leva et fit la révérence avec le respect qu'on doit à un vieillard. « Ma jolie fille, » dit l'écuyer en s'avançant, « je cherche la demeure de Pélorouan. »« C'est mon père, » répondit Fleur Déjeuner. « Dieu lui a donné une douce et belle enfant, ma fille. Puisque c'est ici sa demeure, je vais entrer afin de l'entretenir. » Jude joignit l'action à la parole et mit le pied sur le seuil. Mais Fleur Déjeuner lui barra vivement le passage. « On n'entre pas ainsi, » dit-elle doucement, « dans la maison de Pélorouan. Je voudrais vous dire, arrêtez-vous ici et reposez-vous, mais nul ne passe le seuil de notre pauvre demeure. Tel est l'ordre de mon père. » Cependant, voulut insister Jude. « Tel est l'ordre de mon père, » répéta résolument Marie. L'honnête écuyer avait des motifs trop sérieux de vouloir interroger Pelleroin pour se payer d'un semblable refus. De son côté, Fleur Desgenais, quand il ne s'agissait point du beau capitaine, exécutait à la lettre la consigne de son père et fermait la porte à tout venant. En cette circonstance, elle avait tout l'air de vouloir défendre opiniâtrement la brèche. Heureusement, les choses n'en devaient point venir à cette héroïque-comique extrémité. À ce moment, en effet, une voix se fit entendre tout au fond de la loge. « Enfant, dit-elle, regarde bien la figure de cet homme, afin de ne lui refuser jamais l'entrée de la demeure de ton père. Fais place. » Fleur Desgenais se rangea aussitôt. Jude, étonné, restait immobile et hésitait à s'avancer. « Approche, Jude l'équerre, reprit la voix. « Sois le bienvenu, bon serviteur de Trémel. Je t'attendais. »